prêche pas avec une Bible. Ma caméra, c'est ma chair. Je suis en live, mais pas pour les faux. Riders qu'elle connecte des âmes avec ses mots. J'bulle pas pour les stats mais pour l'esprit. Chaque stream c'est un feu, j'demande pas le crédit. J'veux qu'on me capte, pas qu'on m'adore. J'veux que les vrais se reconnaissent dans mes décors. Et j'veux que ça parle dans les rues, dans les halls. Riders qu'il y joue, mais c'est lui qui console. Raise your eyes, raise your screen. J'ai pas la recette du buzz ni les codes, mais j'ai des nuits en feu, des viewers qui rôdent. J'ai pas d'équipe, j'ai mon instinct. J'ai pas de script, j'ai le divin. Pas de masque, pas de déguisement, juste Riders qui le brute en plein écran. Et si je pète pas les scores, je m'en fous. Ce que je vis, c'est qu'un cœur se rallume chez vous. Raise your eyes, raise your scream. Riders skill life. It's more than it seems. Through the pain, through the flame, he streams the song, not for the fame. Ma foi, c'est pas du chant. Ma foi, c'est du gameplay sincère. Et chaque ligne, c'est moi que tu regardes. Ma caméra, c'est ma chair.